Nous irons au cœur du monde par la poudre et le canon en comptant chaque seconde car ce jour. Song.